à Jeanne. Je ne te cache pas que j'aime aussi les bêtes. Cela t'amuse, et moi cela m'instruit. Je sens que ce n'est pas pour rien, qu'en ces farouches têtes, Dieu met le clair-obscur des grands bois frémissants. Je suis le curieux qui, né pour croire et plaindre, sonde, en voyant l'aspic sous des roses rampants, les sombres lois qui font que la femme doit craindre le démon, quand la fleur n'a pas peur du serpent. Pendant que nous donnons des ordres à la terre, roi copiant le singe, et par lui copié, doutant s'il est notre œuvre ou s'il est notre père, tout en bas, dans l'horreur fatale sous nos pieds, on ne sait quel noir monde étonné nous regarde et songe, et sous un joug, trop souvent odieux, nous courbons l'humble monstre et la brute hagarde qui, nous voyant démons, nous prennent pour des dieux. Transfiguration, mystère, gouffre et cime, l'âme rejettera le corps, sombre haillon. La créature abjecte, un jour, sera sublime. L'être qu'on hait, chenille, on l'aime, papillon.